Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Antoine Lucciardi. Hey, salut les amis, salut Sofiane. Salut Antoine et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir mon cher. Bon, tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Oui, alors une grosse galère qui m'est arrivée. Moi je fais de l'improvisation depuis 20 ans, tu le sais. Dans, s'il vous plaît mesdames et messieurs, dans la troupe d'improvisation du Jamel Comedy Club. Tout à fait, voilà, les indépendants. Ça, chapeau bas. Oh bah écoute, chapeau haut, peu importe. Et je me suis retrouvé, alors la plus grosse galère qui m'est arrivée, c'est que je me suis retrouvé avec un mec au premier rang. Oui. Écoute, dès la première impro, un mec au premier rang. Oui. Qui a sorti un schlass, un couteau. Non. Et qui pendant 20 minutes... Il vous menaçait ou... Non, il lastiquait son couteau pendant 20 minutes. Il le retournait, il touchait la lame. Rahan, l'homme des âges farouches. Et le mec, à un moment, on a arrêté le show. Mais au bout de 20 minutes, on a été patients. Uh-huh. On voulait pas aller jusqu'à l'égorgement, tu oui, vois. Oui, non, on s'est dit... Un moment. Donc voilà, ça c'est l'expérience. C'est pas une question de manque d'équipement. Non, non, pas du tout. Il y avait ce qu'il fallait. Le type, c'était vraiment un pic à glace, tu vois. Sharon Stone, Basic Instinct, tu vois. Et il nous regardait avec des yeux fixes sur nous, tu vois. On s'arrêtait, on arrêtait le spectacle. On nous dit, mec, tu nous fais peur. Et nous, pour nous faire peur, il en faut, tu vois. On a tout vu. En 20 ans de scène ensemble, on a tout vu. Mais je crois que c'est le plus gros flip de notre vie. Voilà. C'est la plus grosse galère qui m'est arrivée sur scène. Et tu penses qu'il l'a fait exprès ou... Je pense qu'il avait envie de perturber. C'est cool de perturber des improvisateurs, tu sais. Il y a une espèce de défi chez certains. Ouais, c'est genre, est-ce que tu vas rebondir là-dessus ? Voilà. Ouais. Et pour une fois, on a été coincés. Et honnêtement, c'était compliqué. Oh là là. Mais après, tu sais qu'il y a des gens qui. Toi-même, tu sais, il y a des gens qui essaient d'être plus drôles que l'humoriste. Oh, ça t'arrive, ceux-là. Tu les vois, ceux-là. C'est les pires. Parce qu'ils ne le sont pas, en général. Ils ne le sont pas. Bah non, mais voilà. ils s'affichent. Et ça plombe. Oui. Et ça fait que la qualité du spectacle de l'humoriste baisse en qualité. Évidemment. Tu perds en rythme, tu perds en qualité. Mais voilà. Et lui a essayé d'être drôle, mais. Voilà, avec un couteau. C'était. Non, mais. Tu vois. C'est ça, tu vois, je veux dire, ça flingue le spectacle. Les gens après font plus attention au mec qu'au spectacle. C'est vraiment dommage. Exactement. C'est vraiment dommage. Les types qui essayent de jouer les coqueluches, voilà. Et ça, en général d'ailleurs, ces types-là, on arrive à les contenir la plupart du temps. Mais là, écoute, il est trop non, loin. Là, ouais, vois, non, là c'était un niveau au-dessus là quand même. Là, c'était un niveau au-dessus. Et le mec a dit, j'ai toujours, c'est mon gris-gris. Il s'est justifié en disant, c'est mon gris-gris. J'aime bien le toucher, d'accord. Tu vois. Voilà mon cher Sofiane, la grosse galère. Donc. Mais on a survécu, hein, écoute, on est toujours là. Voilà, on est toujours là. Ah bah oui. Tu avais d'autres anecdotes, d'autres trucs chelous qui se sont passés ? D'autres trucs chelous. On m'a pris sur un plateau d'humoriste. Mm-hmm. Donc là, c'était assez récent, il y a un an et demi. Ouais. Je démarrais en one. Mm-hmm. On prend sur un plateau d'humoriste et le mec qui présentait la soirée était convaincu tout le long que j'étais le gars qui s'occupait des sandwichs. Je lui dis 8 fois. Et le mec, il a loupé mon passage. Il a oublié de me présenter. Oh là là là. Et à la fin, je suis allé voir, il me dit, non mais toi, t'es le mec des sandwichs. Mais il ne voulait pas en démordre. Et finalement, à la fin, je suis rentré sur scène avec un sandwich à la fin. Je te jure, je suis rentré à mon passage. Je passe en dernier, je devais passer en quatrième. Mais tu sais quoi, c'est là où on voit les pros. Mais voilà. Je dis, attends, le mec, il veut... Absolument. Mais d'accord, tu vois, le mec était convaincu. Je viens avec un sandwich. Ah, ok, tu veux du sandwich, je vais te faire du sandwich. Okay. Donc je suis rentré et j'ai fait un passage de 6 minutes avec le sandwich. J'ai joué avec, tu vois. Mais tu vois, les mecs convaincus que t'es un homme sandwich. T'es un homme sandwich. Mais parce qu'en plus, genre, quand on te voit, il y a rien qui indique sandwich. Tu vois, à la limite, moi, si on me voit, tu sais, moi, je suis un peu, on va dire, généreux. Et confortable, tu vois. Donc, si on me voit, on peut se dire le mec, il gère la bouffe. Ouais, moi, je suis corporellement radin. On est d'accord. Non, mais toi et moi, on est l'opposé. Ah, c'est cool, on est vraiment cool, l'opposé. C'est donc, c'est pour ça. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je sais pas. Et puis surtout, quel intérêt tu aurais à mentir ? Ouais, mais je crois qu'à mon effet, il m'a pris pour un emploi aidé. Tu vois, j'étais pas très en forme, j'avais une tête bizarre, j'étais un peu fatigué. Je pense qu'il m'a pris pour un emploi aidé. Tu sais, un mec qui était en contrat de réinsertion. Ouais, mais quel intérêt t'aurais à dire je ne suis pas le mec des sandwichs ? Ah oui, c'est ça. Tu vois, très bizarre. Et voilà, le mec, 5 fois, je suis allé voir, je suis humoriste. Et en fait, ils avaient oublié de me mettre sur la liste aussi. Donc ça jouait. Ah, mais t'étais pas dans le line-up, ouais. J'étais pas dans le line-up. Ah, voilà. Ça arrive malheureusement des fois. Ils te mettent pas dans le line-up. Et malheureusement, ben voilà, quand tu te retrouves un peu sur le carreau, des fois, t'as pas droit. Enfin, des fois, t'as limite pas le droit de jouer autant que les autres. C'est ça. Exactement. On te dit ça, on te dit t'es pas dans le line-up, ben, tu feras 6 minutes au lieu de 10. Ouais, voilà, t'as un petit peu le mouton noir de la soirée. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir, franchement, c'était un plaisir de t'avoir dans cet épisode. Donc, raconte-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors là, actuellement, je suis en tournée avec L'élégance du bâtard, mon spectacle. D'accord. Donc là, je serai à Gaillard, en Haute-Savoie. Ah, j'y ai joué il y a pas longtemps, chez Françoise. Ah, on embrasse Françoise si elle nous écoute. Yes, le petit théâtre de Gaillard, c'est un des meilleurs lieux. J'ai passé des moments magnifiques là-bas. Le public de Haute-Savoie est génial. T'as déjà joué là-bas ? J'ai joué en festival en Haute-Savoie. D'accord. Donc pas très loin. Ah, tu vas adorer le petit théâtre. Voilà, c'est optimiste, c'est parfait. Il paraît que c'est top. voilà, je vais à Agen au contrepoint. Oui, contrepoint chez Fred et Henri. Chez Fred, hein, voilà. Tout le monde, bah, Toulouse, le Citron Bleu, il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de lieux. Donc il y a une quarantaine de dates sur la saison prochaine. C'est cool. Prévues. Tu bouges un peu partout, c'est et bien. Je bouge un peu partout. Voilà. Bon, bah écoute, c'est parfait. Et au Comedy Club avec les indépendants. Au Comedy Club, chaque semaine. Chaque semaine, on reprend à partir de mi-mars, le jeudi soir. Maintenant. D'accord, le jeudi soir. Voilà. Et sur ta page, peut-être Antoine Loutiardi. Antoine Loutiardi, l'élégance du bâtard. D'accord, L-U-C-I-A-R-D-I. Ouais, bien. Ah, t'inquiète pas, entre noms compliqués, voilà, on se comprend. Voilà, nom avec des doubles lettres, exactement, les trucs bizarres, exactement. Voilà, exactement. Et justement, vous me retrouvez, moi, pour ma part, sur Sofiane Etaï, E de T-A-I, Tréma, si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, sinon E de T-A-I, ça suffira. Donc sur YouTube, Twitter, Facebook et Instagram, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire, abonnez-vous au podcast, parlez-en autour de vous, bis à tous, même à toi là-bas.